Une fois son forfait accompli, Gérard Lambert va repartir. La mobilette veut rien savoir, c'est le bon Dieu qui l'a puni. T'aurais pas dû, Gérard Lambert, aller ce soir-là à Rungis. T'aurais dû rester chez ta mère comme un bon fils. Alors pendant une demi-heure, dans son moteur, il tripatouille. Il est crevé, il est en sueur, il a du cambouis jusqu'au coude. Dans le lointain, le jour se lève comme d'habitude. À ce moment-là, un mec arrive, un petit loubar aux cheveux blonds, et qui lui dit, comme dans les livres, s'il te plaît, laissez-moi un mouton. Une femme à poil ou un calibre, un cran d'arrêt, une mobilette. Tout ce que tu veux, mon pote, t'es libre, mais dessine-moi quelque chose de chouette. Dans le lointain, il se passe plus rien, du moins il me semble. Alors d'un coup de clé à molette, bien placé entre les deux yeux, Gérard Lambert éclate la tête du petit prince de Milan. Faut pas gonfler Gérard Lambert quand il répare sa mobilette. C'est la morale de ma chanson. Moi, je la trouve chouette. Pas vous ? Ah bon ? Je le fais bien, hein. Un instant, c'était donc un courant épique, un souffle d'aventure qui soufflait sur Osmose Radio avec ce titre, un classique. Abel, t'étais pas né, hein, à l'époque où ça passait à la radio. Ça, c'était Les Aventures de Gérard Lambert à la fin des années 70, un des premiers albums de Renaud, un de ses titres cultes, avec donc les aventures, pas dans le Far West, pour le coup, comme la musique le laissera entendre, mais d'un loup-bar à mobilette en 1977 dans la banlieue parisienne. Voilà. Pourquoi je vous passe des morceaux qui invitent à dérider vos zygomatiques, hein, alors que vous êtes des gens austères et qu'en plus l'actualité n'invite pas forcément à s'esclaffer? Pourquoi est-ce que je vous passe des morceaux comme ça en introduction de cette émission de l'heure du loup ce soir, chers amis? Eh bien parce que la semaine dernière, c'était le 1er avril. En plus, ça tombait un vendredi cette année, donc ça tombait bien, c'était le jour du poisson, le 1er avril. Et à double titre, alors je sais pas si vous en avez profité pour faire des blagues, toujours est-il que l'actualité, elle, nous a fait une blague à propos notamment de ce qui est sorti dans l'actualité ce jour-là, à savoir les Panama Files. Vous en avez peut-être entendu parler. Si c'est pas le cas, je fais un bref rappel des faits, c'est-à-dire que un lanceur d'alerte, un anonyme, qui travaille dans une banque au Panama, a fourni à différents médias de par le monde, et notamment au journal Le Monde en France, des fichiers informatiques qui représentent plusieurs gigas de données, qui contiennent les noms et les numéros de compte des gens qui placent de l'argent dans des banques au Panama, donc qui est un paradis fiscal, pour ne pas payer d'impôts chez eux, voire pour couvrir des activités lucratives fort malhonnêtes. Et évidemment, alors chez nous, on a l'inévitable Cahuzac, hein, ancien ministre des Finances. On a, y a des cinéastes, il y a des comme Pedro Almodovar, il y a des hommes d'affaires comme le propriétaire de BFM TV, etc., etc. Ça, c'est juste pour la France et pour l'Europe. Il y a aussi des dirigeants du Parti communiste chinois. Enfin bref, on a l'impression que tous les fils de pute qui s'enrichissent de manière légale ou illégale, mais en tout cas qui s'enrichissent au-delà du raisonnable, se sont donné rendez-vous au Panama. Ils sont rendez-vous donc chez ce petit pays qui est connu non seulement pour ses canaux, pas de sauvetage mais en l'occurrence, mais des fois on se demande, pour ses canaux et pour ses banques et qui en font un paradis fiscal et qui planquent leur pognon là-bas pour pas avoir à payer d'impôts chez eux, et ou alors parce que ils se font de cet argent-là avec des activités qui sont pas très légales. Quoi qu'il en soit, eh bien c'est sorti et ça a fait un beau scandale, et donc il y a pas mal de gens chez nous qui tortillent du cul pour savoir comment ils vont se dépêtrer de ça. Mais bon, on est tellement blasé à la rigueur qu'on en a vu d'autres. Donc voilà, poisson d'avril dans l'actualité. Et évidemment, alors on a toujours en France hein, les inévitables, tous les gens laissés pour compte de la société qui râlent. Ouais, les gens qui ont du pognon, ils s'arrangent toujours pour en payer le moins possible. Certes, c'est vrai, mais bon, les pauvres, je vous en prie, arrêtez de râler. Hein. Si les gens sont riches, vous croyez que c'est en travaillant? Bien sûr que non, c'est en vous exploitant. C'est logique pourtant. Comment ça se fait que vous n'avez pas encore compris? Bref, quoi qu'il en soit, eh bien justement, les pauvres, arrêtez de râler. C'est justement l'objet du morceau avec lequel on va continuer. Didier Super, tout de suite. Cette chanson s'appelle Marre des pauvres, parce que les pauvres, y'en a marre. Y'en a marre, marre des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a marre. Des pauvres, quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Y'en a marre des pauvres. Et s'il y avait un tout petit peu moins de pauvres, y'aurait pas toute cette misère. Marre des pauvres, y'en a marre. Y'en a marre des pauvres, ah oui, marre des pauvres, y'en a marre. Y'en a marre des pauvres. Quand ils travaillent, ils enrichissent les riches. Du coup, faut pas qu'ils s'étonnent s'ils sont toujours aussi pauvres. Marre des pauvres, ils font chier, ils sont maigres. Marre des pauvres. En plus, ils se tapent la honte, ils sont mal habillés. Y'en a marre des pauvres. Les pauvres, arrêtez de vous plaindre, vous gâchez le bonheur des riches. Y'en a marre des pauvres. Heureusement les très très riches, tu peux crever, ils s'en foutent. Y'en a marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Marre des pauvres. Say I'm safe. Real Big Fish avec le titre Take On Me. C'était enchaîné juste avant avec Didi Super qui chantait Y en a marre des pauvres. Ouais, les pauvres, arrêtez de râler, hein, qu'il y ait des scandales dans les médias ou pas, et prenez un petit peu sur vous. Prenez sur vous Take On Me, ben justement c'est le morceau qu'on écoutait à l'instant. Une reprise en fait, vous l'aurez sans doute reconnu, d'un morceau culte des années 80 par le groupe AA. C'était interprété donc dans une version ska punk avec le groupe Real Big Fish. Je connaissais déjà ce morceau depuis quelques années en faisant des recherches ce matin à propos de ce titre culte Take On Me. J'ai vu qu'il y avait des tas de versions différentes, tellement le titre a eu de succès, notamment des versions métal évidemment, l'inévitable version électro, et aussi une version bluegrass country western qui était assez sympa. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous trouver un lien à vous mettre sur le Facebook de L'Heure du Loup. Et Take On Me, hein, c'est ce que j'appelle un morceau casserole en ce qui me concerne, c'est-à-dire que c'est un de ces morceaux qui souvent d'ailleurs sont bons, c'est pas la question, mais qu'on a un petit peu honte d'aimer, qu'on écoute de temps en temps en cachette par exemple. C'est comme les sketchs de Michel Leb, quoi, pour vous donner un ordre d'idée. Et moi j'ai adoré ce morceau quand j'étais petit dans les années 80, Take On Me, avec ce chanteur qui était un sacré beau mec, qui est toujours d'ailleurs un sacré beau mec, et il a passé la cinquantaine. Le gars, j'ai plus son nom, un Norvégien normal, hein, avec un nom imprononçable, et il a passé la cinquantaine. Et il est plus beau que je ne le serai jamais, ça m'agace. Bon bref, ça m'énerve, je vais parler d'autre chose. Tiens, mais on va quand même rester dans les années 80 avec pour ceux qui étaient petits à l'époque, les dessins animés peut-être qu'ils regardaient alors, étant enfant, et c'était notamment mon cas. Je regardais avec ma frangine un dessin animé qui s'appelait Jem. C'était un dessin animé justement sur une rockstar, et toutes les gamines de l'époque ont trippé là-dessus. Et ce soir donc, puisque je vous fais ma playlist Poisson d'avril, hein, avec des tas de trucs un peu pourris, des trucs un peu inhabituels ou des trucs parodiques, eh bien je m'étais dit que j'allais continuer et m'y vautrer gaiement avec une version électropop de ce titre des années 80, donc qui est en fait le générique du dessin animé, une version post-freeze pop tout de suite. Jem. Yeah. Porno par le titre Les Italiens de Il Genio. C'était enchaîné juste avant avec une reprise là par contre d'un titre des années 80, Gem, par le groupe Freeze Pop. Pop porno en fait, alors, si vous n'êtes pas fréquent, si vous parlez pas fréquemment italien, en fait les paroles c'est une nana qui a un garçon qui est un petit peu lunatique et elle voudrait aller se promener dehors, il mate du porno. Elle voudrait qu'ils passent du temps ensemble, il mate du porno. Bref, il est jamais disponible. Et par contre, ben de temps en temps, quand ils sont tous les deux sous la couette, il lui fait des choses et elle se sent comme une star du porno. Voilà ce qu'elle raconte dans les paroles à l'instant. Alors on aurait envie de lui dire, ma cocotte, faudrait savoir ce que tu veux. Bref, mais bon, peut-être que vous avez expérimenté ce genre de contradiction de la vie de couple, vous aussi, chers amis. C'est enchaîné juste avant avec quelque chose où il n'est pas question de cochonceté, puisque c'était le générique d'un dessin animé des années 80, Gem, avec une reprise par un groupe électropop qui s'appelle Freeze Pop. Voilà, chers amis, on va rester dans la nostalgie des années 80, mais là j'espère que les enfants sont couchés, parce qu'on va aller vers des choses un petit peu plus scabreuses, parce que tout à l'heure je vous parlais de AA et la nostalgie qu'on peut avoir de ce genre de groupe de cette période là. Eh bien, je suis sûr que certains garçons parmi vous ont eu des petits fantasmes nocturnes en pensant à la chanteuse Sabrina Salerno de son vrai nom, qui était une chanteuse d'Eurodance des années 80 que beaucoup de gens ont découvert avec un titre qui est resté dans les annales, pour ainsi dire, un titre qui s'appelait Boys, qu'elle avait chanté. Alors il y avait un clip, etc., où elle était en bikini dans la piscine. Enfin bref, je vous passe les détails et je suis sûr donc que ça réveillera des souvenirs humides chez les vieux gamins des années 80, j'en suis sûr. Et bien, je vous propose une reprise par un groupe actuel en fait, qui peut-être font partie de cette génération, allez savoir, un groupe BM français qui s'appelle El Teno, et tout de suite je vous propose leur version de ce titre, Boys. Boys. With C'était vraiment pas la peine de me faire chier avec ton muscle pendant 15 jours. Oh, vas-y, mollo, tu me files le mal de mer. Oh. Calme-toi, nom de Dieu. Enfin, t'énerve pas comme ça. Prends ton temps. Négocie. Ah oui, non. Jolie performance, hein. 3 minutes et demie. Tu parles d'un sprinter, hein. Mais tout juste si t'arrives pas avant d'être parti, comment veux-tu qu'elle aille au bonheur, la môme? J'y retourne. Ah non, hey, tu permets. Après moi. Viens. Regarde. Et prends-en de la graine, vieux. Hein? Admire un peu le travail. Là. Comme ça. Tout dans la souplesse. Calmos. On a toute la nuit devant nous. Paisible. Et hop, des petites accélérations fulgurantes. Comme à l'entraînement. Un bon petit décrassage. Et puis doucement, retour au calme. Tout doux. Savoir flémarder. Que la fille s'impatiente. Pas vrai, ma petite grande, hein? Et hop, je repasse la surmultipliée. Je te fais pas mal? Non. T'es sûr? Ouais, ouais. Moi, je te demande ça parce que d'habitude, il y en a qui suffoquent. Non, non, c'est vrai. Charge. a pas que le cul dans la vie. Il y a aussi la bite et les couilles, comme disait Coluche. Hein ? Eh bien, vous en avez eu un ordre d'idée, un petit exemple dans cet intermède stupre en plein milieu de l'heure du loup. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, chers amis. Vous êtes bien sûr Osmose Radio et on vous parle, entre autres choses, de musique et parfois aussi de libido. Et parfois même, on mélange les deux avec ces deux morceaux enchaînés. El Teno avec une reprise d'un titre de Sabrina des années 80, Boys, dans une reprise électro. Ensuite, un extrait d'un film qui me tient à cœur, un demi-film culte en vérité, Les Valseuses, évidemment, avec Patrick Dever, Miu Miu et Gérard Depardieu, qui était donc dans une scène assez olé olé de ce film culte des années 70. Et enfin, c'était Mineshaft avec L'amour à l'hôtel. Mineshaft, c'est vraiment de l'électro libidineuse, bas du front, c'est très très con et ça m'éclate à chaque fois que je l'écoute. L'amour à l'hôtel, en fait, c'est une reprise d'un titre des années 80, là encore, un titre de Dupont, un musicien allemand qui avait fait ça, qui a fait un titre qui s'appelait Hotel Lover dans les années 80, puis Mineshaft, on a fait une reprise électro et en français. Et l'idée était toujours à peu près la même, donc voilà, c'est les plans cul réguliers que certains pratiquent, mais peut-être de manière moins criarde. Voilà, voilà, chers amis. Donc, écoutez, après cet intermède électro, je vous propose d'aller vers quelque chose d'un petit peu différent. On va rester dans des délires un petit peu assez régressifs, dans des gamineries tout aussi stupides, mais dans un style un petit peu différent, même tout à fait qui va contraster grandement, puisque on va parler d'une de ces sagas disponibles sur internet, les sagas audio, qui ressemblent un peu au feuilleton radio qu'on écoutait parfois dans les années 50, tout ça. Et donc les créations qui existent d'ailleurs toujours à la radio, certains en ont fait des sagas qu'ils proposent en téléchargement gratuit sur internet. Je vous avais déjà parlé notamment de la saga du Nahulbeuk, le donjon de Nahulbeuk, qui avait été créé par un garçon qui s'appelle Pen of Chaos et qui avait mis en scène, en fait, dans un feuilleton audio, les aventures d'une bande de pieds nickelés dans un univers médiéval fantastique très inspiré de l'univers du jeu de rôle notamment. Et bien là, il y a un de ses collègues qui s'appelle Knarf et qui a fait exactement la même chose mais dans un univers de science-fiction. Donc vous imaginez Star Trek, Star Wars, tout ça. D'ailleurs, tout ça m'est revenu en mémoire évidemment parce que Star Wars est sorti, le dernier épisode de Star Wars est sorti au mois de décembre, mais en plus ces temps-ci sur les écrans il y a le documentaire sur le Dune de Jodorowsky qui aurait dû sortir dans les années 70 puis finalement qui est sorti 10 ans plus tard avec David Lynch. Donc Dune, ce film de science-fiction qui avait été inspiré d'un roman de science-fiction de Frank Herbert notamment, pour les amateurs de ce style-là. Et donc voilà, ces deux références cinématographiques dans l'actualité m'ont fait penser à ce feuilleton audio dont j'avais envie de vous parler un de ces jours, qui s'appelle Les Aventuriers du Survivor. Le Survivor, c'est le vaisseau spatial, une saga spéciale pour un vaisseau spatial, le vaisseau spatial le plus pourri de la galaxie. Hein, c'est le Faucon Millenium, mais la classe en moins. Et donc, en fait, c'est une aventure, là encore, de pieds nickelés, une bande de couillons. Alors, il y a une officier de communication qui est libidineuse, il y a un ingénieur mécanicien qui est en fait un newbie qui a jamais touché un moteur de sa vie, il y a un pilote de sous-marin qui a été affecté à un vaisseau spatial, logique, et donc il y a un sergent et un commandant qui sont vous imaginez les tuniques bleues mais transposées dans l'espace, quoi. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je vous propose l'épisode 2 de cette saga que vous pouvez retrouver sur internet, là encore je vous précise, en libre téléchargement. Si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens pour vous renseigner. Et donc tout de suite on écoute l'épisode 2 des Aventuriers du Survivor. Et voici un nouvel épisode des Aventuriers du Survivor. Épisode 2, l'équipage. Dans l'épisode précédent, le capitaine Blueton rend visite à l'amiral MacGregor en compagnie de son assistant, le sergent Johnson. MacGregor leur apprend que la Terre est aux mains des Kryganites et que nos deux héros sont affectés à une mission de la plus haute importance, dont dépendra certainement l'avenir de l'humanité. Pour mener à bien cette mission, ils sont affectés à l'un des vaisseaux les plus miteux de toute la flotte du consortium, le NHL Survivor. L'amiral les emmène alors vers le spatioport. Notre mission consiste à vous rendre sur Mulyari, 12e planète du système Glontrun, à l'autre bout de la galaxie. Là-bas se trouve l'unique gisement d'hilarium lourd dont nous avons le plus grand besoin pour faire fonctionner notre arme secrète. Chut! Votre route sera parsemée d'embûches. Mais vous aurez avec vous les meilleurs éléments de la flotte du consortium. Mais pourquoi passe-t-on par tous ces endroits pour arriver jusqu'au spatioport? Je ne sais pas. Encore une facétie de l'ingénieur. Ne vous laissez pas distraire. Nous sommes presque arrivés. Et voilà, capitaine Bleuton, je vous présente votre nouvel équipage. Bonjour. Mais c'est Sabrovitch, capitaine. Oh non, pas Sabrovitch. Le lieutenant Sabrovitch. À vos ordres, capitaine. Très heureuse de travailler à nouveau avec vous. C'est ça, oui, très heureux. Et merde. Le caporal Eagle, notre meilleur pilote. Hurry à plonger, capitaine. Le caporal Eagle a longtemps servi dans le consortium comme pilote au service du capitaine Dickinson. Dickinson, mais ce n'est pas le capitaine qui a été jugé en cour martiale pour avoir vendu des ogives spatio-anthropiques aux Krigonites. Celui qui est mort après avoir fait exploser son vaisseau et irradier tout son équipage. Ah non, Johnson, ce Dickinson-là commandait un sous-marin. On va quand même pas se récupérer à un pilote de sous-marin. Poursuivons les présentations. Voici Hans, votre nouveau machiniste. Avec lui, vous ne risquez pas de tomber en panne. Un faux sortre, capitaine. Prêt à affronter l'ennemi. Amiral, vous voulez dire que sans lui, on peut tomber en panne? Ou encore que si le vaisseau était déjà en panne, on ne risquerait pas d'être plus en panne? Allons, ses états de service sont excellents. Il connaît tout du survivor. Et pour cause, c'est lui qui en a la charge depuis sa sortie de l'Académie de Technologie l'année dernière. Il n'y a pas un poulon de ce navire qui me soit inconnu, capitaine. Quoi? Vous l'avez démonté entièrement? Un poulon? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme vous pouvez le voir, il est remonté maintenant. Oh mon Dieu! J'ai mis de bol, moi. Dans certaines des contrées inconnues que vous allez traverser, vous aurez sans doute besoin d'un traducteur universel. C'est pourquoi nous vous dotons du dernier cri en matière de droïde traducteur. Un D6 R27-H59P. Il a aussi d'autres fonctionnalités. Il peut servir de radio FM, de yaourtière. Et il clignote et il flotte dans l'eau. Pratique dans l'espace. Et quand on sera en panne de clignotant. Ça ira, Johnson. Magnifique, mais il y a quand même un problème, amiral. On ne comprend rien à ce qu'il dit. Oui, un petit problème de conception. Nous avons prévu un traducteur binaire français. Ça sera le rôle de l'extraterrestre. Bonjour, capitaine. Il n'a pas de nom? Si, capitaine, mais il est imprononçable. Sans blague. Dites toujours des fois qu'on y arrive. Je ne pense pas, capitaine. On est quand même pas si con, ouais. Oh, l'autre, j'hallucine. N'est-ce pas, capitaine? Je m'appelle... En même temps, il vous avait prévenu, capitaine. Ça ira, Johnson, c'est tout à fait prononçable, n'est-ce pas? Enfin, c'est dans ce genre-là, non? Plus exactement. C'est ce que j'ai dit. C'est fini? Pardon. Alors, si j'ai bien compris, machin sera le traducteur pour le traducteur. Absolument, capitaine Bleuton. Le duo de traduction idéal. Ne m'appelez pas machin, s'il vous plaît. J'ai un nom. Pratique. Un traducteur de traducteur. Et surtout, simple. Il dit qu'il est très honoré d'être à votre traducteur de capitaine, et il a l'espoir d'avoir un grand chiffre de l'expérience du positif en traversant cette mission. Quoi? C'est ce qu'il a dit? Mais c'est du petit nègre! Qu'est-ce que c'est que ce traducteur de merde? Désolé, capitaine, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Magnifique! Allons, capitaine, c'est tout de même le fleuron de notre technologie. Un D6R27-H59P. Un peu de respect. Pardonnez mon emportement, amiral, mais j'aime autant aller au marché aux droïdes demain et acheter un vrai traducteur, quitte à le payer de ma poche. Impossible, capitaine Blyton. Vous devez être parti dans une heure. L'ennemi n'est plus très loin maintenant. Plus le temps de chipoter. Mais le premier samedi du mois... Voici le badge d'accès au vaisseau. Il faut appuyer sur le bouton rouge pour ouvrir. Apparemment, ça ne s'ouvre pas. Attendez, ça arrive, il faut appuyer plusieurs fois. Voilà. Oh mon Dieu, cette vieille poubelle tombe en ruine. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Bonne route. J'espère que vous nous ramènerez l'hydarium lourd nécessaire à la libération de notre planète. Je dois vous laisser maintenant. On est le premier samedi du mois, j'ai une foule de dossiers importants dont je dois m'occuper. Vous êtes des héros. Bon ben, en route. On a commencé cette émission avec les aventures de Gérard Lambert, on l'a fini avec des aventures spatiales. À l'instant, c'était Spock avec le titre Never Trust a Klingon, et c'était enchaîné juste avant avec un épisode de la saga audio Les Aventuriers du Survivor que je vous invite à écouter sur Internet, hein, les aventures spatiales d'une bande de couillons avec de l'humour gaulois mais dans les étoiles. Et bien, c'est un petit peu l'objet de cette création par un garçon qui s'appelle Knarf et que vous pouvez retrouver sur son site. Spock, eux par contre, ce sont des Suédois qui s'inspirent de Star Trek, par contre un petit peu comme Knarf mais pour faire de la musique, qui s'inspirent de Star Trek et donc de toutes ces films et ces séries qui se passent dans un univers de science-fiction. Et dans ce titre Never Trust in Klingon, et bien il s'inspire évidemment des Klingons qui sont les méchants dans la série Star Trek. Voilà, et donc ils se sont tapés un délire autour de cette série Star Trek, qui a été adaptée en film d'ailleurs, et qui est devenu culte. Et sur scène notamment, ils sont dans des habits qui rappellent les uniformes que l'on retrouve dans la série. Voilà pour l'anecdote. Voilà chers amis, ce soir c'était mon émission parodique à l'occasion du 1er avril avec une playlist de circonstances. Et la fin de l'émission, le dernier morceau, ne va pas faire exception, comme notre habitude. Ce sera quelque chose d'un petit peu décalé, voire radicalement différent. Et ce sera ce soir de l'opéra baroque. Ça déplairait pas à ma collègue Laurence, que je recevais la semaine dernière, de l'opéra baroque avec un projet alternatif qu'avaient fait deux filles de Grenoble, deux filles qui étaient élèves de conservatoire, en fait, en chant et en violon, je crois. Et ces filles-là, en fait, s'étaient amusées à faire du théâtre de rue et faire leur pousser à la chansonnette en faisant des reprises de titres punk, de titres pop, etc., mais version baroque, en s'accompagnant au violon, au clavecin et donc à la voix, bien entendu. Et il y a eu quelques années comme ça où elles se sont produites dans les rues de France et de Navarre. C'était assez marrant, elles étaient maquillées, elles étaient vêtues de robes qui n'auraient pas dépareillé au XVIIIe siècle, etc., etc. C'était le duo dithyrambe, et j'arrête d'en parler parce que sinon je vais me lancer dans des éloges dithyrambiques. Et bien, je vous propose une reprise de The Clash qu'elles avaient fait il y a quelques années. Should I stay or should I go? Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Bah écoutez, moi, chers amis, je me casse, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout de suite, les dithyrambes avec Should I stay or should I go? Bisous! Even fit me. Come on and let.